Bibliothèque municipale de Lakeport. 20 février 2020, 17h27. Seymour. Accroupi près de l'étagère renversée des livres audio, il tourne la tête vers le coin visible de la fenêtre et distingue deux nouvelles voitures de police qui prennent place à côté des autres, comme pour dresser un rempart autour du bâtiment. Sur Park Street, des silhouettes courbées se hâtent sous la neige, accompagnées de petits points rouges. Des capteurs thermiques? Des viseurs laser? Trois lueurs bleues sont suspendues au-dessus des genévriers. Une espèce de drone télécommandé. L'une des créatures qu'on a choisies pour repeupler la Terre. Alors qu'il se dirige en rampant vers le rayon des dictionnaires, luttant contre la panique qui lui étreint la gorge, le téléphone de l'accueil se met à sonner. Seymour plaque ses mains sur les coques de son casque. 6 sonneries, 7, 8, et c'est fini. Une minute plus tard, une sonnerie retentit dans le bureau de Marianne, qui est à peine moins exigu qu'un placard à balai. 7 coups, 8, et de nouveau le silence. « Tu devrais décrocher !» lui conseille le blessé couché au pied de l'escalier. Le casque anti-bruit étouffe sa voix. « Il cherche sûrement un moyen pacifique de régler tout ça. S'il vous plaît, taisez-vous. » L'appareil de l'accueil recommence à sonner. Le blessé lui a déjà causé suffisamment d'ennuis. À vrai dire, il a tout gâché. Tout serait bien plus simple s'il cessait de parler. Seymour l'a obligé à retirer ses oreillettes, qu'il a jetées quelque part dans la section fiction. Et l'homme continue de saigner sur la moquette miteuse, s'obstinant à lui compliquer les choses. Seymour se met de nouveau à quatre pattes pour s'approcher du comptoir et arracher du mur le fil du téléphone. Il s'introduit ensuite dans le bureau étriqué de Marianne, où l'appareil s'est remis à sonner, et tire sur le fil. « Tu as eu tort !» lui crie le blessé. « La bibliothèque, le pays du silence !» dit un autocollant sur la porte de Marianne. Il bat des paupières pour éloigner le souvenir de son visage piqueté de taches de rousseur. La chouette cendrée, le plus grand spécimen de la famille des Strigidés. Il reste assis sur le seuil du bureau, son arme sur les genoux. Les gyrophares de la police éclaboussent de rouge et de bleu, les dos alignés des romans pour jeunes adultes. Il sent le tumulte enflé à l'extérieur, juste derrière les vitres. Y a-t-il des snipers qui cherchent à le localiser? Possède-t-il des appareils capables de voir à travers les murs? D'ici combien de temps vont-ils prendre le bâtiment d'assaut et l'abattre sur place? Seymour tire de sa poche le téléphone sur lequel 3 numéros sont inscrits. Le premier doit déclencher l'explosion de la bombe numéro 1, le suivant celle de la bombe numéro 2. Le dernier, il est censé y avoir recours en cas de problème. Il compose le numéro, écartant une des coques de son casque. Une succession de sonneries, un bip, et la communication est coupée. Doit-il en conclure qu'ils ont bien reçu le message? Fallait-il qu'ils parlent après le signal sonore? « J'ai besoin d'un médecin !» dit le blessé. Seymour relance l'appel. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, et de nouveau un bip. « Allô ?» Mais la connexion a été interrompue. On va lui envoyer de l'aide, probablement. Sa requête a bien été enregistrée. Ils vont activer leur réseau de renfort. Il n'a plus qu'à patienter sans bouger. Et alors la bande de Bishop le rappellera ou accourra sur les lieux, et tout sera réglé. « J'ai soif !» dit le blessé. Seymour perçoit un léger brouhaha de voix enfantine. Le sifflement d'un vent déchaîné et un murmure de ressac marin. Certainement un tour que lui joue son esprit. Il remet son casque, prend sur le bureau de Marianne un mug décoré de chats et se glisse jusqu'à la fontaine à eau. Il dépose la tasse pleine à portée de l'homme couché au sol. La poubelle que l'on a placée sous la fuite, près des fauteuils, est remplie aux 3/4. Pile au-dessous de ses pieds, il entend la chaudière pousser des gémissements de fatigue. « Nous devrons tous nous montrer forts !» a dit Bishop. « Les événements à venir nous mettront à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. »